Woo! Enox. St. James Ross. Gildo. Jean Liden. Je m'appelle Inas B. Ici le DJ Mopa. Bayaya, le long de l'élo et Koyinda. Abada. Musique et Zana, c'est boy et puis ça DJ Amatissa. DJ Amatissa. Les filles sont sexy, faut pas blaguer. Bam, bam, bam, bien sapé, bien parfumé, c'est pas pour rien. Faut pas vous inquiéter, on va vous donner un lift. Maintenant on va sur la piste. Je suis encore blindé, vous pouvez tout commander. Ma poche n'est pas limitée. Vous avez affaire à Quadra. Je vais assumer, je vais animer, je vais dépenser. Envie de m'éclater. Hello baby, come to me. Come to me. Show me what I want. La hot gamme, Elga Elegance. My Gavana, Julien Palou. Thierry Kababa, Trésor et Loi Loi, Bernabati, Georges Kazadi, Papi Kanane, DJ Dadi. Juste Moussanganya, Karine Mokonzi, la baronne. Ambassadeur Moutamba, Claude Ndayambagé Connectis, Charles Okoto, Dupi Nizi, Dada Francine Mouyumba, Bite Chiki. Christian Inga, Nile Di Nadia, mon vieux Bonkana Maïga, Rodan Kuba, Rika Katombe, Geta Innocent Le Balezi, Kiki Touré, Félix Péa, Patrick et Pacons, Samy Le Sepasia Kajamere, I'm getting cash, Doudou Kajangu, I never start, c'est le Perki, this is my time, Sadia Boubaka, I want to enjoy, I let me see, I want my girls now, to shake their body, la lettre Z de Papa Nanounes, Yoka Denise Betu ya Colonel Tshisekedi.